Papa, je ne trouve pas le sommeil. Je me suis couché après le soleil. J'aimerais que tu me racontes une histoire. Quand tu n'es pas là, je me sens bizarre. Dehors, j'ai vu un monsieur par terre, comme s'il n'avait pas de maison. Je croyais que le monde, il était parfait. Rassure-moi, dis-moi que j'ai raison. J'aime pas la télé que tu regardes. La dame qui parle, elle ne rigole pas. Je l'entends parler pendant mon repas. Mais moi, je veux rêver, je veux être Pogba. Parle-moi des merveilles de ce monde avant que je ferme les yeux, papa. Parle-moi des merveilles de ce monde. Fais-moi rêver. Il faut que tu sois en forme le matin quand le réveil sonne. Papa n'est jamais très loin. Je serai toujours là pour toi, maman en est témoin. Oui, y'a des gens qui n'ont pas de maison. T'as de la chance, faut que tu le saches d'ailleurs. Non, le monde n'est pas parfait, mais on compte sur vous car demain faudra le rendre meilleur. Tu peux être qui tu veux. Vers tes rêves faut courir. Ouais, tu sais tout peut changer. Et même la dame de la télé peut sourire. Découvrir les merveilles de ce monde, j'espère, mon fils. Je compte sur toi pour demain, tu le sais. Fais-moi rêver. Du monde, je veux rêver.